À l'occasion de la journée de Songun, la maison d'édition format de Nakhodka Russie a fait paraître en brochure l'œuvre classique du maréchal Kim Jong-un, faisant honneur pour toujours aux grandes idées révolutionnaires du Songun du camarade Kim Jong-il et à ses éminents offerts en la matière. Et le Comité national d'études des études du Congo démocratique l'a inséré dans son homepage d'Internet.